passe des banales. Maman, je passe des banales. C'est miné sur Paname. C'est miné sur Paname. À l'arrière de l'Audi, je me balade. À l'arrière de l'Audi, je me balade. J'envoie des spips à madame. J'envoie des spips à madame. Sur le chemin, je croise des banales. Sur le chemin, je croise des banales. C'est miné sur Paname. C'est miné sur Paname. À l'arrière de l'Audi, je me balade. À l'arrière de l'Audi, je me balade. J'envoie des spips à madame. J'envoie des spips à madame. Dans la zone, y'a plus de cœur. Ce qui passe avant, c'est le bise. Je m'en fous de ceux qui disent. Tu viens, tu me donnes des conseils. J'écoute, mais t'inquiète, je maîtrise. Barotte dans le 9-2, je m'endors vers l'Elysée. On a de la beuh partout, on risque de se faire verbaliser. Barotte dans le 9-2, je m'endors vers l'Elysée. On a de la beuh partout, on risque de se faire verbaliser. De qui tu parles, je me sens pas visé. Mon petit cœur a vidé contre ceux qui me l'ont brisé. Maintenant les gens ils sont sans pitié. La lune t'empêche de viser. Sont bien au début, après ils deviennent bizarres. J'ai l'impression qu'ils viennent profiter. J'ai mon petit cœur à vider contre ceux qui me l'ont brisé. Maintenant les gens ils sont sans pitié. La lune t'empêche de viser. Sont bien au début, après ils deviennent bizarres. Sur le chemin je croise des banales. Moi je croise des banales. C'est miné sur Paname. C'est miné sur Paname. À l'arrière de l'Audi, je me balade. À l'arrière de l'Audi, je me balade. J'envoie des spips à madame. J'envoie des spips à madame. Sur le chemin, je croise des banales. Sur le chemin, je croise des banales. C'est miné sur Paname. C'est miné sur Paname. À l'arrière de l'Audi, je me balade. À l'arrière de l'Audi, je me balade. J'envoie des spips à madame. J'envoie des spips à madame. Déception, beaucoup disaient que c'était le son. J'oublie tout ce qui se passe ce soir. J'serai là quel jour de paye. Bombarde à fond la caisse. À fond de cinquième. Les ennemis font la sieste. Ça l'air à six chiffres sur la table. On sourit quand tout va mal. On envoie des pipes à madame. On envoie des pipes à madame. Les autres là-bas, j'les sens pas. Aujourd'hui, faut qu'on se rassure. Qu'aucun bâtard mangerait à ma table. Laisse parler ton cœur, j'ai la solution pour l'apaiser. Laisse parler ton cœur, j'ai la solution pour l'apaiser. Le bruit du moteur, faut reconnaître, tu es dans la benzo, benzo. C'était peut-être un coup d'un soir. La musique, elle a relancé. Elle veut qu'on le fasse, qu'on s'arrête pas. Elle pense qu'un jour on se mariera. Son petit cœur, je lui fais chavirer. Mais sur le chemin, je croise les banales. Moi, je croise les banales. C'est miné sur Paname. C'est miné sur Paname. À l'arrière de l'Audi, je me balade. À l'arrière de l'Audi, je me balade. J'envoie des spips à madame. J'envoie des spips à madame. Sur le chemin, je croise les banales. Sur le chemin, je croise les banales. C'est miné sur Paname. C'est miné sur Paname. À l'arrière de l'Audi, je me balade. À l'arrière de l'Audi, je me balade. J'envoie des spips à madame.